choses à faire. Sur la côte en féfé rouge, y'a 10 ans j'étais rien. J'ai fait des vues, j'ai jamais fait le riche, j'suis resté intérieur. J'suis l'héritier des grandes chez moi qui tapent des fourgons blindés. Que la justice a mis par terre, qui connaissent l'odeur du mitard par cœur. On parle en cassette et en toffe, les problèmes on les règle en off. C'est jamais la catastrophe, on a des putains de parcours. J'leur fais du bien, ils changent tous, moi j'hallucine. J'suis en train de manger, y'a deux peu pendant la cuisine. J'fais des sangs illimités, appelle-moi l'usine. La moitié de ma vie dans la rue, l'autre dans la musique. J'suis en train de dormir, un baby Glock sous laurier. C'est qu'y'a un tas de billets si j'me repose sur mes lauriers. On fait des erreurs sévères, la liberté à plat ventre. C'est pas grave, on persévère, on veut pas finir à plat. Dans la zone, tout s'évalue au kilogramme. J'ai envie d'arrêter, mais je descends de chez moi, je vois des camés. Je dois monter sur la scène, chaque chose en son temps. J'ai envie d'arrêter, mais j'ai trop à faire en ce moment. Je fabrique la moula comme Heisenberg. Tu m'as mis le bouquin, faut que je fasse un pet. Vente ma niage comme la iceberg. Trop de gens qui me cherchent, faut que je fasse un tête. Survêt, DP, Casio, pas le voyou, j'ai pas de casier. En ce moment j'ai besoin d'évasion, j'rapperai quoi que vous fassiez. La rue a son haut-parleur, j'suis sincère, j'fais pas le charmeur. Si j'me pose avec le J, on fera 5 sons en 24 heures. À Roubaix c'est la folie, y'a des braqueurs amputés. Et sur ma route, faut pas que j'm'arrête pour amputer. J'fais trop l'acteur au chameau, j'arrive, j'les fais trembler comme Marlowe. J'fais pas d'action de charlot. J'crois bien que la rue m'a charmé. Les murs ont des oreilles, fais gaffe à ce que tu dis. Écoute ta mère à l'école et tu dis. C'est mon sein alors j'me confie. Mais ta mère la folle si tu le dis. C'est la crise et le crime au mic. La débrouille ça s'oublie pas comme le vélo. Un survêt, une paire de Nike. Une bonbonne cachée dans le scooter volé. En fond de 7 sur la A7. J'vais voir tout la Marseille. 5, 9, 1, 3, on a la recette. Le doigt sur la gâchette. Dans la zone, tout s'évalue au kilogramme. J'ai envie d'arrêter, mais je descends de chez moi, je vois des camés. Je dois monter sur la scène, chaque chose en son temps. J'ai envie d'arrêter, mais j'ai trop à faire en ce moment.